Bonjour et bienvenue sur ce live Disney's Music Box, bienvenue sur le Label et la Bête, le live de Label et la Bête. Et aujourd'hui on va parler de Pinocchio, mais auparavant nous avons des remerciements à faire. Parce que vu qu'on fait partie du Label et la Bête, bon, on est obligé maintenant de faire ces remerciements, même si on n'a pas envie parfois. Mais... de remercier les gens. Alors, les autres ils font des chansons à l'arrache comme ça, mais on peut le faire mieux. Merci à Karine, merci Marie, merci Valaray, merci Greg, merci Victor de Pardon le cinéma, merci Canloir, et merci Pierre. Dis-moi que t'as fini sur un si. J'ai fini sur un do. Ah oh, merde. Ça dépend si t'as un son en transpositeur ou pas. Voilà, on va dire ça. C'est transposé, vous inquiétez pas. La prochaine fois, je le fais. Merci. Merci majeur, je le ferai. Et nous allons commencer cette extraordinaire soirée Life. Par les dernières actualités. Les news. Alors, sur notre dernier live, déjà, je n'ai pas écrit mon conducteur, mais je pense qu'on peut quand même vous dire merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et oui. On a passé un cap énorme pour nous, sachant qu'on est présents tous les 3 semaines, et qu'on n'est pas les plus grands pour faire de la communication. On a passé les 3000 vues sur YouTube. Donc merci énormément, 3000 vues pour un petit... Pour un petit talk show qu'on annonçait il y a un an, franchement, c'est pas mal. Hein. Ça nous fait plaisir, ouais. Et sur notre dernier live qu'on avait fait il y a 3 semaines, nous avons parlé de Encanto. Et bien, cette première news aura un lien avec Encanto. Car, effectivement, déjà, première place pour Bruno, peu de temps vraiment après le live. Mais aussi pour Encanto, Dos Orgüitas, dont on a bien sûr parlé dans le dernier live, n'hésite pas à aller le revoir, a été nominé, c'est ça, je fais comme le coup entre les deux, oui. Pour la meilleure chanson. Et... que si c'est nommé, c'est qu'on a dit son nom. Oui, c'est ça. Et on a aussi le film en entier qui est nominé pour la meilleure musique, donc c'est quand même pas mal. Oui, et puis il y a aussi meilleur film d'animation, mais vu qu'on fait partie de la musique, on n'avait pas écrit notre conducteur. Et voilà. Par rapport aux charts, donc il est passé un peu de temps après le live, il est passé en première place, sachant que dès là, il était passé à la 4e place au moment où nous, quelques jours avant le live, il était passé à la 4e place des Billboard. Il avait dépassé les Tidgo, etc. Il était arrivé en 4e place avec beaucoup d'autres films. Le premier, et donc là, il est arrivé au premier niveau avec, je crois que c'est Ce rêve bleu. Et bah dis donc, punaise. En tant que recherche, la seule chanson française qui a atteint la première place au Billboard. Vas-y. C'est Dominique de Sœur Sourire. Je sais pas du tout ce que c'est. Dominique. Ah, ok, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, je vois très bien. Dans les actualités également, nous avons une alerte rouge. Donc, le dessin animé, la nouvelle production des studios Pixar, Alerte Rouge, qui sortira le 11 mars au Disney Plus et non au cinéma. La musique a été composée par Ludwig Göransson, qui est un ancien élève de Hans Zimmer, si je ne m'abuse. Il a donc, fait la musique. Venture Studio, quoi. Oui, au Remote Control. Ah oui, c'est vrai. Mais The Adventure, c'est beaucoup plus vieux. Ah bah, tu sais que j'ai découvert récemment que tout le style de Hans Zimmer, etc., s'appelait du Media Venture Style. Ils ont appelé ça comme ça maintenant. En même temps, une banque de sons, 4 accords, des gros cuivres. Ça, c'est bien, je trouve. Donc, Ludwig Göransson, qui a fait la musique de Mandalorian, de Wakanda, il a fait aussi beaucoup de musiques de jeux vidéo auparavant. Et le deuxième dessin animé Pixar qui sortira durant ce premier semestre, c'est Buzz l'éclair. Alors, parler de Buzz, t'as eu un petit drop. Tu disais effectivement, je répète sans les petits bugs, Buzz l'éclair qui va sortir le 22 juin en France et avec donc des musiques de Giacchino, oui. Je ne sais jamais comment on dit son nom. Michael Giacchino. Voilà, ah, tu le dis tellement bien. Michael Giacchino qui, pour Toy Story, a déjà fait des musiques des courts-métrages. de certains courts-métrages de Toy Story, surtout Michael Giacchino, comme s'il plus, hein, Les Indestructibles, Vice-versa, il est... et c'est là que je bloque, je sais qu'il en a fait plein, j'ai honte. Zootopie. Oui. Coco. Thor. Bien sûr, t'as raison. Oh, en tout cas, j'ai pas... Ratatouille. Ratatouille, putain, mais oui, bien sûr, là-haut. Là-haut, il effectivement. Oui, il a fait là-haut, c'est les Indestructibles. Cars 2. Bon, oui, aussi. Voilà, tant pis, hein, Vice-versa. Doctor Strange, Rogue One, Spider-Man Homecoming. En fait, Far From Home aussi. De Rogue One. Ouais. Et la musique de Star Tours, l'aventure continue. C'est vrai. Et il fera la musique de Super Mario Bros. Ah ouais. Dans les news également, après Buzz l'éclair, donc qui sortira le 22 juin. Non, on se dit quand même, hein, on a Mars, alerte rouge. 22 juin, Buzz l'éclair, vraiment, ils n'arrêtent pas en ce moment, c'est impressionnant. Pixar. Buzz l'éclair sortira au cinéma, lui. Lequel? Buzz l'éclair. Alerte rouge, il sortira pas au cinéma du coup? Non, il sortira que Sony Disney+. Ah, ça même continuer de faire râler au niveau des studios Pixar. Enfin, les animateurs en ont marre. C'est que, bah oui. Ils font des produits, ils mettent tout leur carré dedans, ils espèrent que ça serait un succès. Et puis au final, ça sort sur Disney+, ça n'aura pas l'occasion de sortir au cinéma. On a aussi une news très récente qui date du 10 février. Nous avons le compositeur français Jérôme Leroy. Donc Jérôme, Jérôme, excuse-moi. Ça fait bien Jérôme Leroy. Ah mince, tu bug. Reviens. Ah voilà, merde. C'est bon. Oh. Donc Jérôme Leroy, que peux-tu nous dire sur Jérôme? C'est un compositeur français qui a beaucoup travaillé pour les parcs, mais pas que. Il a aussi travaillé sur des films au cinéma. Vous entendez là, de musique derrière, d'ailleurs. Ah, c'est de la chance. Là, actuellement, il a fait la musique d'une série animée qui va sortir sur Netflix. En français, il a fait la musique par exemple, il a travaillé sur les arrangements pour Star Tours l'aventure continue, donc avec Giacchino. Il a fait aussi la musique de Hyperspace Mountain. Il a travaillé aussi pour les parcs américains. Il a fait la musique de Harry Potter and the Escape from Gringotts et Hogwarts Express, qui sont deux attractions qui sont situées à Universal Studios. Et en fait, c'est lui qui a été nommé pour faire les arrangements pour le Avengers Campus. C'est quand même un monsieur qui se fait une sacrée place dans le monde, à la fois du film, à la fois des parcs d'attractions, franchement. Mais oui, je trouve ça bien. Et puis je trouve ça bien en fait, d'avoir un compositeur qu'on continue à nommer des compositeurs pour composer pour attractions. Ça donne encore plus de crédibilité aux parcs d'attractions. Oui, totalement d'accord. Quoique après les frères Sherman à l'époque l'avaient déjà fait, il y a d'autres compositeurs comme Bruce Ailey, comme chez Disney qui ont bien fait aussi le travail. Où il y a aussi Imascore, une entreprise qui est allemande, si je ne m'abuse, qui fait beaucoup de musique d'attraction en Europe. Exactement. Donc Jérôme, si jamais tu veux venir nous voir un de ces quatre, n'hésite surtout pas. Oui, on t'embrasse. Oui, je pense qu'il ne regarde pas, il y a le jet lag. Je crois que j'ai déjà fait la blague en plus sur Lin-Manuel Miranda dans le dernier live. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la musique. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup entendue. Hein. Et vous avez certaines de ces musiques qui sont disponibles sur son site. Tenez, je vous le donne ici directement. Comme ça, vous pourrez aller écouter. On a écouté une musique et c'était vraiment magnifique. Très. T'as pas la musique qu'il a fait sur pour Avengers Campus? Bah justement. Alors je vais vous la faire écouter rapidement. Donc c'est bien sûr un arrangement de la musique, des musiques entre Silvestri, Henri Jackman et Giacchino et c'est quoi ça? M.M. Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh, voilà. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur beaucoup de sites de fans. Jérôme Leroy, lui, l'a enlevé de sa page Twitter. C'est pour ça que nous ne vous l'avons pas montré. Oui, voici et donc... termine les news. Et donc, nous allons vous parler... Vas-y, Max, vas-y, Pinocchio. Remarque, ça lui va bien, non? Je suis un panta articulé. Ou un menteur, je sais pas, comme vous Je voulez. sais pas comment tu vas prendre, hein. C'est toi qui vois, c'est au choix. Nous allons donc vous parler de Pinocchio. Alors Pinocchio, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pinocchio est le deuxième... Je te mets cette fois, cette question. Merci pour cette info. Deuxième long métrage et classique d'animation Disney qui est sorti en 1940. Et donc, il est adapté d'un conte original de Carlo Collodi, un Italien, publié en 1883. Moi, alors tu vois, directement, Max, je pensais que le conte était beaucoup plus vieux que ça. Non, je Voilà. savais que c'était Toi, tu plus le savais récent. déjà. Ok, Voilà. bon. Voilà, prends-toi ça avec soin, c'est cadeau. Je Il y a eu une tentative de film d'animation, d'ailleurs, en Italie en 1936, mais qui n'a jamais été finalisée. Ce qui est amusant de voir, c'est que si jamais ils avaient finalisé ça, bah en fait, ils auraient pris de court Walt Disney, vu que ça aurait été sorti, ce serait sorti avant Blanche-Neige, et donc ça aurait été le premier film d'animation avec un audio synchronisé et tout le tout-team. Mais ils se sont fait avoir. L'idée a été suggérée à Walt Disney par une amie de la famille, Madame Evers, dans une lettre. Le film d'animation a été réalisé par Hamilton Lusk et Ben Sharpstein, je les prononce peut-être très très mal, mais c'est pas grave, et les deux travaillaient respectivement depuis 1931 et 1929 avec Walt Disney, entre autres sur les Silly Symphonies, bien entendu, vu que tout le monde est passé par là au début. Ils ont également supervisé l'animation pour l'un et réalisé une séquence pour l'autre pour le film Blanche-Neige et les Sept Nains avant de réaliser Pinocchio. Ensemble, ils ont également travaillé sur Fantasia. Hamilton Lusk, j'en sais rien, est également connu pour avoir réalisé la séquence d'animation de Mary Poppins, et Ben Sharpstein, oh là là, vivement que je les dise plus ces noms, était considéré pour certains comme la personne qui était juste en dessous de Walt Disney dans le studio, au niveau de la hiérarchie. Donc c'est quand même deux mastodontes, et bien sûr, ils sont tous les deux devenus des Disney Legends. Logique. La production du film Pinocchio commence en 1937, donc un an après le raté de Italien. Et bah, Walt Disney aussi le a un raté avec l'évolution du style graphique et du scénario. Ce qui fait que bah, y a eu 6 mois de film qu'ils ont tout simplement jeté. Il y a des mètres et des mètres je sais plus comment on appelle ça, des celluloïdes, je sais plus trop, qui ont tout simplement été jetés. On n'a plus aucune trace. Et aussi, en plus, Walt Disney a dit, bon, ça marche pas. Il y avait un truc qui était affreux pour les animateurs. Ils en parlent dans le. Je l'ai pas là. Oh, j'aurais dû regarder Ah, pour peut-être le la live. docu Waking Sleeping Beauty, Rien. non? Non, pas du tout. Non, en fait, sur le bonus de la version Deluxe qu'il avait fait pour les 70 ans il y a 12 ans, il parle de la peur de la boîte noire. Il y avait une salle de projection privée, il y avait 5 sièges Ah dedans. oui. Chacun des animateurs proposait ses travaux à Disney, et Disney validait si oui ou non c'était valide ou pas. Et en fait, c'était vraiment une période de stress pour eux. Ça voulait dire qu'ils avaient potentiellement quelques jours, voire semaines de travaux qui étaient annulés, qui étaient arrêtés. Le stress total, quoi, ça va être l'horreur. Et en plus, il y a eu une chose en plus, donc Walt Disney disait ça ne marche pas, on jette tout. Et ils ont repris la production seulement en mars 1938. Donc, il y a eu quand même de janvier 37 à mars 38 où tout ce qu'ils ont fait vraiment n'a servi à rien. Donc, gros, gros stress pour les animateurs. Il y a eu un budget de 2,56 pardon, millions de dollars, et sachant que Blanche-Neige a seulement coûté 1,4 million. Donc, on passe quasiment du simple au double, hein. Pour le coup, Pinocchio, c'est aussi important parce que. C'est la première utilisation de maquettes et de figurines, et même la création d'un département spécialisé pour ça, qui donc crée les personnages, les décors, les horloges pour Pinocchio, vraiment en 3D, en vrai, en maquette. Et ça les a vraiment aidés, les animateurs, pour créer tout ça. Par contre, sur Disney Plus, il y a un petit bonus de 4-5 minutes où, pareil, tu les vois un peu comme ce qu'ils ont fait pour d'autres productions auparavant, où tu vois les animateurs imiter Jiminy Cricket, genre la scène où Jiminy Cricket se frotte les fesses contre le feu. Ils ont fait la même chose, par exemple, avec les animateurs qui ont mis des costumes pour s'imaginer la forme de Jiminy Cricket, la taille, des trucs comme ça. Ah, c'est fou. Trouve ça dans Disney Plus. On va parler un petit peu de la personne qui a fait les musiques. C'est Paul J. Smith. Paul J. Smith, pour le coup, il a passé quasiment toute sa vie dans les studios Disney. Que ce soit pour des films d'animation, que ce soit Blanche-Neige, Fantasia, ou d'ailleurs, dans Fantasia, il joue un violoniste dans l'orchestre. Il a orchestré pour Bambi, Cendrillon. Il a aussi fait les musiques de films en live-action, comme 20 000 lieues sous les mers, Les Robinsons des mers du Sud, ou encore certains épisodes de True Life Adventures, dont, si vous le saviez, il y a un petit détail encore à Adventureland à Disneyland de Paris. C'est vrai, un petit détail ou pas? Vas-y, bien sûr. Bah, je sais pas, mais c'est toi qui dois nous dire. Ah bah non. Ou alors, on dépense 16€ sur YouTube. Dépenser 16€ sur boutique.elabette.com, c'est ça, je crois. Ça, je crois. Utip.io. Ouais, je sais plus. Et donc, en fait, pour True Life Adventures, petit détail toujours sympathique, il y a le sigle de True Life Adventures au niveau de l'arche d'entrée d'Adventureland sur les côtés. Voilà. Ensuite, les musiques des chansons sont faites par Leigh Harlin, qui est chez Disney de 1933 à 1941, et où il travaille entre autres pour Les Silly Symphonies et Blanche-Neige. Après ça, il se barre de Disney, et il compose pour de nombreux films live, sans grand succès, vraiment pas extraordinaire, et même directement après Disney avec le concurrent Dave Fleischer, celui qui fait Popeye, Betty Boop, etc., et entre autres le film Douce et Criquet s'aimait tendre d'amour tendre. Ce titre à rallonge, je ne supporte pas. Douce et Criquet s'aimait d'amour tendre. Donc c'est drôle quand même qu'il parle deux fois de Criquet dans deux films différents. Ça m'a amusé, c'était drôle. Enfin, les paroles sont de Ned Washington, qui était auparavant MC de spectacles de vaudeville. Les vaudevilles, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu la France a un incroyable talent de l'époque. Et donc, Ned était MC, donc celui qui présentait. Et il devient parolier ensuite grâce à une revue sur Broadway. Une revue, donc, c'est là où il y a plein de... Pareil, hein, il y a de l'achetant, c'est du chant et du théâtre, et de tout un petit peu. Cette revue s'appelait Earl Carroll's Vanities. Une chose assez intéressante aussi, il est devenu directeur de l'ASCAP. L'ASCAP, c'était un petit peu la SACEM américaine. Et membre également du Songwriters Hall of Fame, le panthéon des paroliers. Parmi ses paroles les plus importantes, on a Baby Mine pour Dumbo. Et donc là, vous chialez. Je sais plus. C'est déjà pas mal. On a aussi les titres éponymes, donc les musiques éponymes, Règlement de compte à Hockey Choral et 3h10 pour Yuma. J'ai cherché vraiment les trucs que moi je connaissais, doit peut-être y avoir d'autres trucs connus. Bon, et Disney. Quand même, comment ? Tous les Disney limite, hein. Enfin, tous les Disney de l'époque. Oui, c'est vrai, ouais. Et quand même, petit spoil, mais il y a eu quand même l'Oscar de la meilleure chanson originale pour When You Wish Upon a Star et l'Oscar de la meilleure partition originale. Voilà pour un petit peu le contexte de Pinocchio. Très beau contexte. Franchement, je suis très content de ce contexte. Moi. Il faut vraiment qu'on fasse des petites vidéos, tu sais, pour dire le contexte. Après, l'histoire. Il faut qu'on mette ça en place pour le prochain live. Bon, passons à l'histoire de Pinocchio. Pinocchio, une marionnette en bois créée par Geppetto, est rendue vivante par la fée bleue, avec la promesse qu'il doit mériter de devenir un vrai petit garçon s'il le mérite, accompagné par Jiminy Cricket, sa conscience. En partant pour l'école, il est induit en erreur par le méchant grand coquin, Honest John en anglais, et son compagnon, Gédéon, qui l'ont livré à Stromboli, un marionnettiste sans scrupules. Lorsqu'il s'échappe après avoir été sauvé par la fée bleue, il se fait de nouveau influencer par le duo Grand Coquin et Gédéon et emmené par le cocher à l'île aux plaisirs. Paradis sur terre pour les mauvais garçons, ils sont finalement transformés en ânes pour être envoyés dans les mines de sel. Pinocchio s'échappe grâce à Jiminy Cricket qui le sauve, dans les mines de sel et dans les cirques d'ailleurs. En revenant au village, il découvre que son père le cherchait et qu'il s'est fait avaler par Monstro. Il lui sauve la vie et meurt. La fée bleue, jugeant que Pinocchio a été courageux et avait fait une bonne action l'a finalement transformé en vrai petit garçon. On fait un point musique ? Un petit point musique, allons-y. Je crois qu'on est là pour ça quand même. Ah bah oui, on est quand même vachement là pour ça même. Comme tu nous as dit que la musique instrumentale était de Paul J. Smith ainsi que les chansons de Lagarine avec des paroles de Ned Washington, il y a beaucoup de... Enfin beaucoup, il y a au moins 7 ou 8 chansons je crois dans le film, qui sont toutes des mélodies très simples, naïves et plutôt enfantines. En même temps c'est logique. Oui, ça reste dans le contexte. Et la première, et là je vais sortir juste le son de la première chanson s'appelle Little Woodhead. Alors, la première chanson, alors, pardon, je vais les raconter dans l'ordre qu'on les entend. Le film s'ouvre par une ouverture, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, le film, on pense qu'il commence par When You Wish Upon a Star, quand on crée la bonne étoile, parce que c'est la chanson qu'on entend chanter par Jiminy Cricket. Mais en fait, juste avant, on a une version instrumentale de Little Wooden Head, et en fait, c'est ce petit thème. Ah bah oui. On dirait des contes d'Efteling un peu. Oui, bah c'est le côté un peu c'est ce qu'on disait, le côté enfantin, c'est ce qu'on retrouve dans le bois des contes à Efteling. Bah, en fait voilà, c'est le côté plus c'est à ce moment là le livre s'ouvre, en fait tu ouvres ton conte et tu découvres la première mélodie, celle en fait qui est la mélodie de Pinocchio, voire même plus, c'est en fait la mélodie du lien entre Pinocchio et Geppetto. Ah. Dès qu'on parle en fait du lien entre Pinocchio et Geppetto, on entend cette musique-là. Mais c'est vrai que le chante, c'est pas cette musique-là qui chante si, justement. Il la chante. Mais en fait, il y a deux thèmes principaux que Geppetto chante. Mais celui-ci le chante. Au début, lorsqu'il crée Pinocchio, ouais. Mais que Pinocchio n'est pas encore vivant. Et c'est quelle mélodie qu'il chante du coup quand il devient vivant, quand il, tu sais, danse avec lui. J'ai l'impression que c'était celle-là. C'est Turn on the Old Box. Par contre, le début de la chanson. Ça, c'est de la musique instrumentale qu'on entend juste avant que Geppetto chante. Ah, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, alors. Je suis pas totalement fou. Donc voilà, on ouvre le livre, on découvre la première mélodie, on ouvre le conte. C'est vraiment la musique qui permettra de construire tout le film. C'est le grand fil conducteur du dessin animé ou musical. On pense que c'est When You Wish Upon a Star, en fait pas du tout. When You Wish Upon a Star, on doit l'entendre 3 fois en tout dans le film, 4 fois en tout cas. Ah ouais. Par exemple, cette chanson là, on l'entend par exemple à 4 reprises de 4 manières différentes durant les 15 premières minutes du film, dans l'introduction de manière assez magistrale. Ensuite, on l'entend exposer une fois normale en accompagnement de Geppetto qui dessine sa marionnette. Geppetto qui chante la chanson. Et puis à la fin, on l'entend sous forme de valse berceuse au moment où tout le monde va se coucher. Ok, oui, c'est vrai. Ah ouais, en fait, mais c'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait vraiment énormément de mélodies qui reviennent au final. Voilà. Et que celle-ci. Donc ça, c'est la première chanson qu'on entend. Et tout de suite après, on entend chanté par Jiminy Cricket. Oh putain. Je l'ai bossé pendant une semaine pour être bon. J'ai fait des fautes dessus. Du coup, le hashtag frisson de Mayu Kim tombe un petit peu à l'eau. Je savais pas que les paroles c'était ah putain. Il le dit, il fait ah putain. Oh. vous pouvez nous chercher les stars qui est le thème du vœu et de la magie. C'est une berceuse qui est calme et posée et qui est en constante montée. Alors, je vais dire en constante montée et puis d'un coup je vais jouer, vous allez voir, ça va descendre. Sauf qu'après, c'est déjà une deuxième fois, toujours en montée. Et on redescend. Pardon. Et c'est étonnant, d'accord, il n'y a pas de souci. Et en fait, ben, c'est la montée, c'est le ciel, c'est la fée bleue, c'est le rêve, la magie, les vœux, et puis ça descend sur Terre pour aller vers Pinocchio. C'est bien vu, ça. C'est très très bien vu. C'est... Très très bon, ça. Tu m'as marqué que c'était la 7e meilleure chanson du cinéma américain, selon l'American Film Institute, en 2004. Exactement. Je pense pas que ça ait dû beaucoup changer depuis le temps. C'était en 2004, et je suis pas sûr qu'il en ait fait depuis, en fait. Ah, donc en 2004, ok. Parce que, bon, je pense qu'il y aurait Skyfall qui pourrait peut-être passer devant, mais à peine. C'est quoi les 6 premières? Hop, je vais chercher ça, justement. Donc, effectivement, premier, c'est Over the Rainbow. Le numéro 100. Deuxième, c'est Comme le temps passe, As Time Goes By, dans Casablanca. Troisième, c'est Singing in the Rain, dans Chantons sous la pluie. Quatrième, c'est Moon River, de Diamant sur canapé, interprété par Audrey Hepburn. Cinquième, c'est White Christmas, dans L'amour chante et danse. Sixième, c'est Mrs. Robinson, dans Le lauréat. Et bien sûr, septième, c'est Quand on prie la bonne étoile. Je vérifie s'il y a d'autres Disney dans le coin. Un jour, mon prince viendra est 19e. Supercalifragilisticexpialidocious est 36e. Je suis très fier de l'avoir fait du premier coup. Voilà. Histoire éternelle est 62e. Ah, oh, oui, vas-y, attends. Pardon. Et Hakuna Matata est 99e. Oh putain. Le son fait mal. Pardon. Troisième leitmotiv du film. Merde, le contour de leitmotiv. C'est le thème de Jiminy Cricket. Il n'est pas du tout chanté. Et ce n'est pas Give a Little Whistle, siffle vite vite, comme on pourrait le penser, mais vraiment, c'est un autre thème en plus. Ça, c'est le thème de Jiminy Cricket. Il est pris dans toutes les tonalités différentes. Hein. Ouais. J'aurais... Ensuite, il y a le thème de Figaro et de Cléo que je n'ai pas du tout réussi à répliquer d'oreille. C'était un petit peu compliqué pour moi. La seule chose que je peux vous dire, et j'ai sorti pareil de ce livre-là, mais je l'avais trouvé, qui s'appelle L'art musical de Walt Disney, qui parle des dessins animés Disney de 1928 à 1966, donc jusqu'à Yves de la Jungle, si je ne m'abuse. Lorsque Figaro apparaît, on entend de la clarinette, comme dans Pierre et le Loup. Est-ce que, oui ou non, il y a un lien ou pas? Ou est-ce que finalement... C'est un petit peu ce que Pierre et le Loup a été composé 80 avant. Alors, je pense qu'il y a un lien parce que c'est devenu très rapidement Un classique, hein, de façon, Pierre et Loulou. Ensuite, il y a le thème de la Fée Bleue qui annonce son arrivée. C'est joué par un instrument qui s'appelle le Nova Cord. Le Nova Cord, c'était un instrument un peu original pour l'époque. C'est un petit peu ancêtre de tout ce qui est synthétiseur, clavier de l'époque, orgamon. En fait, c'est un son particulier. Et lorsque, en fait, ça fait un gros cluster au début dans l'aigu, et puis après, ça devient sur un accord final, posé, tranquille, pour montrer que la Fée Bleue arrive. Bah tiens, on a Bill Mayall et son Nova Chord en 1941. Ça peut être très intéressant. C'est vraiment l'ancêtre du synthétiseur moderne au final. Et donc ça, en fait, on l'entend lorsque la Fée Bleue arrive. C'est l'instrument que l'on entend. Comme je disais, ça fait un son dans l'aigu assez strident, très dissonant, parce que c'est un cluster. Un cluster, c'est un regroupement de notes très très proches. Hein, c'est comme ça. Par exemple. Et puis à force, ça fait un joli accord, tout posé, très beau, très beau, très propre, pardon. Ensuite, la Fée Bleue donne la vie à Pinocchio. Elle dit que sa conscience c'est Jiminy Cricket. Donc on entend machin. On entend machin, bien. Voilà machin. Et puis oh, d'un coup il y a Jiminy Cricket qui décide de faire. Give a Little Whistle, qui est un standard très moderne pour l'époque, un standard de jazz très moderne pour l'époque par rapport aux deux autres titres qu'on avait entendus avant. Hein. Et puis donc voilà, c'est un standard qui est très très moderne qu'on n'entendra qu'une seule fois, c'est à ce moment-là du film. Et ce qui fait que lui, par contre, il a un peu mal vieilli. Autant ça reste toujours intemporel, c'est resté quand même gravé dans l'inconscient, dans la mémoire, tout ça. Gravé dans la roche, ouais. Give a Little Whistle, gravé dans le bois, si tu veux. Give a Little Whistle. Voilà, après un plus petit coup de vieux. Il est moins resté dans le truc. Bah, il est, bah, pour le coup, il est plus daté, effectivement, ouais. Ensuite, on a le deuxième thème déjoué, le côté un peu naïf du film. Ça, c'est donc Turn on the old box. Il y a ce côté, comme ils disent, Boîte à DIY. musique. Excuse-moi, j'ai fait un peu plus lentement, c'était chaotique, parce que ça, c'est plus difficile pour mes mains de non-pianiste. Bah, c'est logique. Ça, par contre, autant leur première chanson Little Wooden Head, Pantin de bois, c'est la chanson du lien entre Geppetto et Pinocchio. Ça, c'est que Autumn on the Old Music Box, c'est la chanson qui va montrer en fait un peu les péripéties de Pinocchio, enfin l'aventure de Pinocchio. Dès que Pinocchio va faire un nouveau truc, on va entendre cette musique-là. Et Oui. très souvent, cette musique-là, elle est suivie de. Parce que souvent, dès que Pinocchio fait un truc de bien, comme à l'école, il croise le chemin de Gédéon et de Grand Coquin, qui sont les deux méchants fil conducteurs aussi du film. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Ils ont juste leur propre pensée de ce qui est bien et de ce qui leur arrange, quoi. C'est là qu'ils sont méchants. Enfin, c'est là que pour moi, ils sont méchants, parce qu'au final, quand tu regardes, ils sont. Comment ils connaissent très bien les plans du cocher, par exemple. Ouais, mais ils ont peur du cocher. Mais ils les envoient quand même. Je sais pas. Méchant, malsain. Pas méchant. En fait, il y a méchant et méchant. T'as le méchant psychologique et puis le méchant physique. Eux, c'est du méchant psychologique. Ouais. Et ça, c'est une petite marche ternaire, très rigolo. Assez dansante. On marche dessus, on est content. Toujours un balancement tenue dominante. Donc très simple aussi. Hein. Pif, il y a que deux accords. Pour montrer vraiment le truc le plus facile. Et donc voilà, dès que en gros Grand Coquin et Gédéon réussissent à emmener Pinocchio vers une mésaventure, on entend ce thème-là. Même chanté clairement par Grand Coquin et Gédéon. Oui, très clairement. Grand Coquin et Gédéon ne parlent pas beaucoup. Gédéon ne parle pas beaucoup, effectivement. Et on entend même une jolie version à l'orgue de Barbarie. Un orgue de Barbarie. Dans l'île au plaisir, non? Oui, c'est ça. Il y a une très jolie version, donc, l'orgue de Barbarie, bien sûr, pour se souvenir, c'est les gros orgues qu'on trouve au milieu des mèches, des carrousels, à l'ancienne. Il y en a un magnifique qui est encore en fonction à Efteling, par exemple. La chanson est finie, ça passe directement sur une scène qui a un grand tableau, le premier tableau un peu mauvais pour Pinocchio, c'est sans aucun lien, I've got no strings. Bah alors, coquin... Oh putain. Ah ouais. J'attends de la faire depuis le début, je dois l'avouer. Pareil, hein. C'est un truc, ça tourne toujours autour des mêmes notes. Autour du ré, autour du si, par exemple, pour cette partition-là. Comme ça reste facilement en tête. C'est assez on peut facilement s'en souvenir. Assez simple, assez... Ouais. On entend trois variations différentes durant le film. Enfin, durant la même scène, en fait. Parce que cette chanson-là, je disais qu'une seule fois, c'est le moment où Pinocchio fait son spectacle devant tout le monde avec Stromboli. On entend une version bavaroise. Bien sûr, la Bavière, chez eux, était représentée par les Pays-Bas, avec des jolis moulins, et puis des jolies filles avec des couettes, des chapeaux blancs, je sais pas comment on appelle ça, et puis des tulipes. Aucune idée. Ensuite, on trouve une version française, un petit peu dans le style de Offenbach avec le ballet La Fée aux Enfers, où on voit des filles, des French cancans qui dansent. Et alors, je pense qu'il va peut-être y avoir un petit anachronisme, parce que je pense que le film, l'action du film se déroule bien avant l'arrivée du French cancan, enfin, des... Bah oui, sachant qu'on fait aux enfers, Offenbach, 1858. Ouais, bien tu vois. Et il y a une dernière variation russe. Enfin, il y a deux variations russes. Une première version russe un petit peu affirmée, et puis une deuxième version russe en mode Kalinka, en mode gros cliché oui. Musique russe. Ah bah là, on est clairement dans les clichés, et puis Jiminy, vraiment, pendant... alors, faut en parler un petit peu de Jiminy, qui, pendant tout le film... a des regards lubriques avec tout ce qui bouge, et même ce qui bouge, surtout ce qui bouge pas d'ailleurs. Donc, vraiment, à chaque fois, oh, putain, mais c'est abusé, je m'en rendais pas compte, vraiment, à quel point Jiminy Cricket est un obsédé de premier ordre. Ah non, mais faut l'avouer, là, faut faire quelque chose, faut le call-out, là, le Jiminy. Hein. Et là, c'est là que se finit, donc, à la fin de ce spectacle, en fait, il y a beaucoup de silence. À ce moment-là, il y a quand même beaucoup de silence, où Stromboli, en fait, explique à Pinocchio que il va jamais retrouver son père, et puis qu'il va se faire un max de thunes dessus. Donc, comme je dis, le silence, c'était vraiment un grand moment là-dessus, c'est pour mettre beaucoup de pression, énormément de pression. Et c'est là que se finit la première partie du film, qui a utilisé toutes les chansons du film. Et la deuxième partie du film, on va reprendre de manière anecdotique, par exemple, « I did a Lily, Nectar's Life for Me », alors que de Barbarie, tout ça, mais il n'y aura plus aucune chanson. Ce sera principalement du Mickey Mouse. Et du Mickey Mouse. Si jamais son nez grandit, ça fait ça. J'avais dit que je le ferais. Au moment où tu t'en doutes le moins, je te l'avais dit. Donc il y a beaucoup de Mickey Mousing. Mickey Mousing, pour rappel, un geste à l'écran, une musique qui va avec. Et dans Pinocchio, c'est même encore plus développé que dans Blanche-Neige, parce que dans Pinocchio, en fait, c'est l'orchestre symphonique est beaucoup plus présent et beaucoup plus fourni aussi. Et le film se conclut par la musique All Box. Ça se finit par cette musique-là, parce que c'est vraiment l'aboutissement final de Pinocchio, au-delà du lien entre Geppetto, et c'est vraiment l'aboutissement final de la quête de Pinocchio, je viens de le dire à l'instant, qui montre vraiment la joie de vivre, la gaieté, l'insouciance, et l'aboutissement final de la quête de Pinocchio. et puis on finit, parce qu'il le fallait bien, par Jiminy Cricket, et le chœur qui fait... Oui, le chœur est magnifique à ce moment-là. Enfin, comme on les aime bien, qui donnent des frissons à tout le monde. C'est comme ça que se finit donc la musique de Pinocchio. Bah dis donc. Au final, oui, c'est vrai qu'une fois arrivée, la deuxième arrivée de la Fée Bleue, ça ne fait que se répéter. Je me souviens, on en parlait tout à l'heure, hein, dans l'île au plaisir, il y a beaucoup de sons, par contre, dans l'île au plaisir. Il y a vraiment de sons. Et au final, c'est là que tu remarques à quel point l'attraction à Disneyland Paris... Et même dans une parc Disney, hein, est très fourni, mais on en reparlera juste à la fin. Oui. Alors, apparemment, il y a aussi des chansons qui ont été coupées au montage. Alors, il y a au moins trois chansons qui étaient coupées au montage. Une qui s'appelle I'm a Happy Go Lucky Fellow, je suis un garçon insouciant, qui a été réutilisée plus tard, chantée aussi par Jiminy Cricket, qui devait chanter chanson par Pinocchio, et qui est chantée par Jiminy Cricket dans le moyen-métrage, compilation de court-métrage de Coquin de Printemps en 1947. Il y a aussi une chanson, comme je disais, à Duchesse, As I Sing to the Duchess, qui était chantée par Grand Coquin. Et Three Cheers for Anything, trois exclamations pour n'importe qui, n'importe quoi, entre Crapule et Pinocchio. On peut trouver ces chansons dans le Legacy Collection sur Pinocchio. Bah, coupé au montage et aussi dans les cinq films suivants. Et ben, les cinq films suivants, je l'avais au moins Coquin de Printemps. Pour le reste, mes recherches n'ont pas peut-être abouti par rapport à ça. Ou je pense que j'aurais pu le trouver dans ce livre-là, mais j'ai pas eu le réflexe. À noter aussi que dedans, ils mettent des chansons, dans cet album-là, ils mettent des chansons où Jiminy Cricket chante, mais parce que Jiminy Cricket était un personnage qui était beaucoup, beaucoup réutilisé par la suite. Et il doit y avoir aussi une chanson sur Jiminy Cricket, une chanson sur le Grand Coquin qui devait être composée, mais qui n'ont pas été utilisées, et j'ai trouvé aucun enregistrement du tout. Mais en fait, les partitions sont dans le fake book. Une chanson qui s'appelle Honest John et Jiminy Cricket. Je vais pas m'amuser à vous les jouer parce qu'elles sont en plus un peu difficiles. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ne sont pas complètement gardées, c'est que les mélodies sont vraiment difficiles ouais, à retenir, à faire. Ouais. J'ai même cherché s'il y avait des références à ces chansons-là dans la musique instrumentale. Et en fait, c'est même pas le thème de Jiminy Cricket. Et au moment où Grand Coquin fait son petit rap en donnant le diagnostic de la maladie de Pinocchio, c'est même pas non plus la mélodie utilisée. Donc c'est vraiment deux chansons qui ont été composées comme ça, qui n'ont pas été utilisées. En vrai, ça m'aurait intéressé pour Grand Coquin. Oui, ça aurait pu être intéressant. Peut-être ça aurait fait un petit peu. Bon, après, c'était pas non plus le style de l'époque, de développer les personnages comme ils font maintenant. Oui, c'est vrai. On pouvait faire 1h20, 1h30. Peut-être dans le prochain film qui est censé sortir fin 2022. Eh ben, j'appelle les studios de Disney demain, et puis je leur en parle. Ça marche. On fait ça comme ça. Il y avait un avis très intéressant dans le Taschen sur les dessins animés Disney de 21 à 1938. Pareil, ce livre-là, il est pas cher, il m'a coûté que 20€ par exemple. Oui, une édition à 40 balles, je crois, et un avis de Walt Disney sur la musique, et qui résume assez bien ma pensée. Alors, étant donné que la musique est agréable et gaie, quoique aussi contagieusement entraînante que le cœur des sept petits hommes qui n'étaient pas vraiment là, ne la porteront pas au discrédit de Pinocchio. Ça, c'était un avis d'un critique. Mm-hmm. Et Disney disait par la suite, je trouve que nous devrions penser à la musique, ils n'y vont pas penser dans Pinocchio et ça manque, on le sent, il y a aussi trop de dialogue dans Pinocchio, je pense que les gens aiment les chansons qui font partie de l'histoire, comme dans Blanche-Neige, la plupart des chansons, ils faisaient progresser l'intrigue. Mais et oui. Qui dit ça, après on se rend compte que Pinocchio en fait n'avait pas été le succès tant attendu pour l'époque. Il y a la guerre qui a aussi eu un petit peu par rapport à ça, le fait que le film soit plutôt sombre, mais voilà, pour Disney, il a vraiment passé une musique, ce qui fait qu'après, t'inquiète pas, la musique Disney, ils ont fait à l'appel. Bah là, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est clairement que les musiques style comédie musicale qui font avancer l'action seront toujours plus importantes et plus intéressantes que juste les musiques qui sont là pour traduire un état d'esprit authentique. C'est ça. Donc c'est super intéressant et aussi effectivement t'as la guerre, t'as aussi le fait qu'il y a pas mal de cinéma qui ne soit plus là à ce moment-là. Dans tous les cas, hein, quand ça sort, on est en plein dans la guerre, donc ça sert plus à rien là, il y a rien qui sort de l'enclave américaine. Que ce soit sombre dans les temps de guerre, ça vous pouvez le savoir tout le temps. Par exemple, même la première comédie musicale, donc Showboat, qui est sortie en 1927. S'est fait couper dans son élan déjà par la crise de 29. La crise de 29, directement, les gens ne voulaient pas aller voir quelque chose de triste qui faisait réfléchir, au contraire, ils voulaient quelque chose de gai. C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour Pinocchio et la guerre. C'est ça. Et au final, les courts-métrages d'après-guerre, bon, qui ont pas coûté cher, mais qui étaient très festifs, ont beaucoup aidé à amener ce retour. Totalement. Justement, on avait parlé tout à l'heure des problèmes d'argent de Walt Disney. Oui. Walt Disney était tellement en galère d'argent qu'il a dû revendre les droits de publication des musiques de Pinocchio, de Blanche-Neige et des Trois Petits Cochons à la Irving Music Company, alors Irving Berlin Music quelque chose, qui est devenu ensuite la Bourne Music Company, qui les a toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Disney doit demander l'autorisation à la Bourne Music Company pour utiliser les musiques de Pinocchio, Blanche-Neige et les Trois Petits Cochons. Pour les partitions aussi. Pour les partitions aussi, Pour effectivement, les c'est partitions marqué. aussi, et je vais même te rajouter, c'est marqué au début de moi du recueil, les chansons suivantes sont la propriété de la bande Bourne & Co. Et il y a aussi les musiques de Dumbo. Dumbo aussi qui est dedans? Ah, j'avais pas l'info pour le coup, mince. Et donc, dans les années 90, Disney s'est dit, on va tout ressortir en VHS. Donc en cassette. Logique. Donc tous les films vont ressortir en cassette, ce qui est tout à fait louable. Mais en fait, ils n'ont pas demandé l'autorisation à la Bourne Music Company d'utiliser les musiques qu'il y a dans Blanche-Neige, dans Pinocchio, dans Dumbo et dans Les Trois Petits Cochons. Et du coup, la Bourne Music Company a poursuivi la Walt Disney Company pour violation du droit d'auteur. Parce que Disney utilisait les musiques dans ses rééditions de films en VHS. Et aussi dans les publicités. Et du coup, la justice, elle a quand même dit, eh, tu te calmes, ça fait partie du film. Donc non, tu rêves pour les VHS, ils ont le droit. Par contre, pour les pubs, ils ont dit, ok, les pubs, c'est chaud. Alors, les citations ne sont pas extrêmement exactes. Hein, mais effectivement, pour les publicités, ils ont gagné la poursuite, je sais pas comment on dit ça. Et par rapport au parc, par exemple. Il y a les autorisations. Donc je pense que Disneyland Paris, par exemple, paye la Bourne Music Company pour utiliser les musiques dans les parcs d'attractions. J'aimerais bien un jour comprendre comment ça fonctionne, enfin, je ressorte mes cours de la fac, comment fonctionnent les droits d'auteur et les droits voisins vis-à-vis de. Alors là, il n'y a pas de droit voisin vu que c'est américain. La musique appartient à quelqu'un qui Attends, est. ça dépend, parce que vraiment pour une musique de parade, c'est publié par Disney en Europe, donc Disney en Disney en France. Europe, mais qui paye la SACEM, qui paye ensuite la SCAP et qui paye du coup la Bourne Music Company. Ok. Normalement, ça doit fonctionner comme ça, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était le petit moment Droit. droit. Et c'est eux d'ailleurs qui vont nous claim toutes les musiques sur YouTube. Hein. C'est la Bourne Music Company, c'est pas C'est tout à Disney. fait. J'ai mis la chanson de Sound Live sur YouTube tout à l'heure. Ouais. On s'est déjà fait claim, c'est ça? Ils nous autorisent quand même à utiliser la chanson pour notre chaîne. C'est Mais tout gentil. l'argent qu'on récupère dessus. Ira à la Bourne Music Company et rien n'ira à Disney. Il y a un truc que j'aime par rapport à cette musique, et je pense qu'il devrait beaucoup se poser la question chez Disney actuellement. On a quand même un compositeur de musique orchestrale, instrumentale. On a un compositeur de chansons qui sont Ouais. différents. Et Et pourtant. pourtant, il y a un énorme lien entre les deux. Et ça passe très très bien. Et c'est très joli. Donc comment actuellement je comprends pas. Hein. Vaiana, qu'est-ce qu'on a dit? Encanto, Le Roi Lion. Ouais. J'ai retrouvé. On râlait déjà. Enfin, je râlais déjà plutôt sur Frozen. Mais Troisième bien live. sûr. Troisième live. Ça faisait 2 mois qu'on faisait des lives. Je râlais déjà par rapport à ça. Voilà, c'était mon point. Je suis content, mais quand même coup de gueule par rapport au studio C'est actuel. ça. Les autres, ils se prennent quand même des Je gnons t'ai dans qu'à la la gueule. gueule. Ils ont rien demandé. Ça a des Oscars et puis ça sait pas faire Voilà, c'est ça. ça. Alors, ils n'ont pas encore les Oscars pour le coup pour Encanto. C'est peut-être pour ça qu'ils l'auront pas d'ailleurs. Bref. Et ailleurs, ou sinon, où est-ce qu'on peut retrouver... Eh bien, on peut retrouver, par exemple, alors je vous préviens, il y en a beaucoup. On va faire rapidement, d'accord? Il y a certains trucs qu'on va s'arrêter tout de même, mais voilà. Donc, on a la présence des personnages dans de très, très nombreux courts-métrages et films. On a par exemple un court-métrage en 1943, spécialement sur Figaro et Cléo. On a en 1947, on a déjà parlé avec Jiminy Cricket, dans Coquin de Et printemps. dans beaucoup de courts-métrages, c'est le chat de Minnie. Oui, Et totalement. Cléo aussi. Cléo, je crois aussi, le poisson de Minnie. Cléo, ouais, possible, c'est possible. On a Pinocchio, A Lesson in Honesty, un court-métrage où Pinocchio fait une leçon sur l'honnêteté. On a la présence de Pinocchio et de Grand Coquin dans la scène finale de Roger Rabbit, enfin, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, en 1988. On a aussi un film, Geppetto. Alors, pour le coup, pas vraiment beaucoup de lien avec le film Pinocchio. Mais voilà, un film Geppetto en 2000, Disney, un film live avec des musiques de Stephen Schwartz. Stephen Schwartz, c'est les musiques que je vous rappelle de Wicked, entre autres, de Pipin, De Pocahontas. de Pocahontas. On a aussi la présence, un caméo de Pinocchio dans Aladdin et dans Réponse. Dans Réponse, je me souviens que c'est quand il chante Moi j'ai un rêve, il est posé dans les combles là, de la truc. C'est ça, ton Et dans auteur. Aladdin, il est où? Dans Aladdin, il doit être. Je crois que c'est le génie qui a sa tête qui passe, Oui, c'est ça. qui a plus, qui change beaucoup, et puis d'un coup on voit Pinocchio. Dans la série animée Tous en boîte de 2001 à 2004, il y a plusieurs épisodes avec des personnages de Pinocchio, dont un spécialement avec Jiminy, qui est la conscience de Mickey. Et il y aura bientôt un remake en live action réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, je pense que vous le connaissez, entre autres, Retour vers le pour futur. Retour vers le futur. Exactement, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Robert? Express. Seul au monde. Le Pôle Express, c'était lui qui avait fait ça, c'est vrai. Forrest Gump, Retour vers le futur, bien sûr. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Je savais même pas que c'était lui, tiens, j'avais totalement oublié. Et voilà. Zemeckis travaillait avec Alan Silvestri. Donc est-ce qu'il va le faire ou pas pour ce film-là? Peut-être. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait vachement plaisir. C'est de voir Oui, c'est Sylvestri. Le duo Le intemporel. duo. Le duo intemporel comme Spielberg Williams. Ah punaise, je viens de voir date de sortie 2022 sur Disney+. Ça me ferait chier que ça sorte sur Disney+, ça. Parce que moi je dis quand je pense que plus Zemeckis fait des très beaux films. Tom Hanks en Gepetto, je trouve ça génial. Ah, extraordinaire. Tom Hanks en Geppetto, j'ai hâte de voir ça. Je suis pas surpris et je suis extrêmement heureux. Après, c'est pareil, hein, Tom Hanks Zemeckis, c'est le duo de toujours. Hein. On a aussi Cynthia Erivo en Fée Bleue. C'était la star de la comédie musicale de The Color Purple qui a une voix extraordinaire. Vraiment, vous allez voir, ça va être fou. Joseph Gordon-Levitt, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Et Je alors, le Joseph sais. Gordon-Levitt, j'adore cet acteur, vraiment. Qui est pas seulement acteur d'ailleurs, hein, il est réalisateur, scénariste, producteur, chanteur, il est n'importe quoi lui. Et il fait tout extrêmement bien, donc c'est très chiant. il était dans Sin City, Je tuais pour elle, il était dans Dungeon, il était dans The Dark Knight Rises, c'est lui qui faisait Robin. Oui, Le voilà. futur, enfin Robin John Blake, voilà. Il est aussi dans Looper, il est dans 500 jours ensemble. Dans Inception, il fait Arthur dans Inception. Dans Star Wars 8, il joue Slow and Low. C'est un caméo vocal. Voilà. Il est dans les 7 de Chicago que je vous conseille de voir sur Netflix, qui est extraordinaire. Voilà. Luke Evans, qui fait le cocher. Luke Evans, dont vous vous souvenez, bien entendu, dans La Belle et la Bête. Et donc voilà ce qu'on avait à dire par rapport au film. Jiminy Cricket avait beaucoup été réutilisé pour faire les dessins animés ou les petits films éducatifs de chez Oui, Disney. énormément. De façon, la conscience. Voilà, une fois qu'on a un personnage de conscience, on l'utilise partout, surtout quand on s'appelle Disney. C'est ça. Voilà. Au niveau des jeux vidéo, tiens, on va peut-être en parler. Il y a un jeu vidéo Pinocchio sur Sega Genesis et SNES. Ensuite, en jeu vidéo, pour ceux qui connaissent cette excellente série de jeux vidéo, Kingdom Hearts, bien sûr. Il y a Jiminy qui tient le carnet des aventures de Sora. Et donc, bien sûr, on a plusieurs fois le passage dans le monde de Pinocchio qui se déroule à chaque fois dans le ventre de Monstro. Il y a aussi Pinocchio qui fait partie de nos compagnons à un moment. Enfin, on peut l'utiliser pour se battre. C'est horrible. On va utiliser Pinocchio pour se battre. Eh, prends! Et quand Voilà. il fait un mensonge, il fait comment? Comment? Quand Quand il il fait fait un des mensonges. mensonge? Attends, il fait ça. Et voilà, une comédie musicale, tu disais? Une comédie musicale, exactement, créée à Londres en 2017 jusqu'en 2018. C'est très peu, très court, mais c'est pas grave. Mise en scène par John Tiffany, qui avait quand même créé Harry Potter et l'Enfant Maudit, et la comédie musicale Once. Et vraiment, les créateurs des Disney ont dit, quand John Tiffany te propose de créer une comédie musicale sur Pinocchio, t'as pas d'autre choix que d'accepter. Ça qui est super intéressant avec cette comédie musicale, et en fait, les marionnettes sont à taille humaine, et les humains, les adultes, sont des énormes marionnettes. Et donc ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Jiminy Cricket aussi, apparemment, il est extraordinaire. Enfin, les critiques ont été dithyrambiques, vraiment. Alors pour le coup, c'est vraiment un succès artistique. Ça, c'est pas fait pour être exporté, c'est... Voilà, c'était au National Theatre, et ils ont eu un très beau succès artistique. Mais Ok. moi, vraiment, le style de mise en scène, le style, je trouve ça super intéressant. On passe au parc. On passe au parc, parce que là, on va avoir pas mal de choses à faire. On a bien sûr des attractions. On avait un projet dans les années 50 d'une attraction avec visite de l'intérieur de Monstro et chute depuis la gueule de Monstro, qui s'appelait Shoot the Chute, qui a bien sûr été annulée. On a bien sûr Storybook Land. Canal Bots, qu'en France on appelle le pays des contes de fées, nous on rentre dans la gueule du tigre, là-bas ils rentrent dans la gueule de Monstro. C'est exactement ça. Ensuite, et c'est là qu'il y a le meilleur truc qui tombe, c'est. Ah oh, si, non, avant. Il est présent dans It's a Small World à Hong Kong, à Tokyo Disneyland et à Disneyland, en Californie. Ouais, on a aussi Pinocchio's Daring Journey, qui est en projet dans les années 70 pour une nouvelle section de Disneyland appelée Dumbo's Circus Land, qui a été annulée. Mais finalement, Pinocchio's Daring Journey a été construit et ouvert en 1983 à Disneyland, à Tokyo Disneyland un mois avant. Et bien sûr, à Disneyland Paris en 1992. Et alors, je vais faire auto-promo. Alors déjà, dans première promo, quand on a fait le live classement de, quand on a fait le live classement des musiques de Disneyland Paris, on l'a calé dans l'une des trois meilleures musiques d'attraction. C'est vraiment, je pense, la musique la plus travaillée. On a le thème Heidi Dalili qui est utilisé durant toute l'attraction, juste sauf à la fin avec When You Shoot My Star. Oui. Dans plein de variations différentes qui va en fonction de l'ambiance entre début la fête, après l'île au plaisir, enfin, au début le spectacle, après l'île au plaisir, et puis à la fin lorsqu'ils partent dans les mines. Et j'en ai fait un super article sur cette musique, et pour la peine, je vais faire mon auto-promo où j'avais parlé de la musique. J'ai même un peu comparé les différences entre chacune des versions de Le Voyage de Pinocchio, que j'avais appelé Heidi Dalili, A Music Life. Formi, ah, pas mal. Donc ensuite, dans les parcs, il y a bien sûr la présence des musiques ou des personnages dans bon nombre de spectacles, comme Animagique entre 2002 et 2016 au Walt Disney Studio. Magic 2016. En fait, je pense que je vais te corriger. C'est possible. C'est que 2002. C'est Parce que qu'en 2000. fait, la scène faisait peur. Et ils l'ont changé par la petite sirène. Merde, sérieux? Ouais, ça avait fait quelques mois, pas plus. Après, peut-être qu'on va entendre. Oui, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai laissé, parce que dans tous les cas, il y a une musique présente, c'est sûr et certain. Sur la cruise line, d'ailleurs, j'ai vite fait parler de la cruise line, j'aurais dû en parler dans les news, mais j'ai totalement oublié. Donc, dans le Disney's Wishes, attention, c'est pas le Disney Wish. Non, c'est quoi déjà le nouveau nom du truc? C'est quoi déjà? Le nouveau bateau? Ouais, le nouveau bateau. Voilà. Je parle pas du Disney Wish là tout de suite, je parle du Disney's Wishes qui était un spectacle depuis 2012 sur la Cruise Line, où on entend I've Got No Strings et When You Wish Upon a Star. Et en parlant du Disney Wish, une info qui est sortie juste avant le live, il va y avoir un nou nouvel espace du Disney Wish qui a été révélé, qui s'appelle le Luna. et qui est un nouveau centre de divertissement équipé d'un mur d'écran LED de 2 étages, d'une scène et d'un bar qui proposera une variété de spectacles en direct conçus pour que les familles puissent rire, chanter et s'affronter ensemble. Et dans ce lieu-là, j'en profite parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, il y a la Villains Game Night, qui est un jeu télévisé plein d'esprit, où les invités tenteront de répondre à des questions sur Disney au milieu des railleries et des ricanements des méchants ennemis de Disney, dont Cruella de Vil, Gaston, Hadès, Maléfique et bien d'autres qui se joindront à l'écran. Et donc j'ai trouvé ça super marrant qu'il y ait cette soirée où tu te fais totalement goumer par les méchants. Il y aura aussi Disney Songbook qui mettra les invités sous les projecteurs alors qu'ils chanteront des chansons de Disney et montreront leur talent de star à une équipe de tournage en direct qui projettera chaque performance sur le grand écran. Donc j'imagine que ce sera un karaoké amélioré. Ça a l'air un peu gênant, mon truc. Ah oui, ça a l'air très gênant celui-là. Et lors de l'événement final en direct de Disney Uncharted Adventure, une toute nouvelle expérience interactive qui utilise les appareils mobiles des invités pour débloquer des aventures cachées à bord du navire. On a aussi Fantasmic qui a utilisé une séquence sur Fantasmic qui était à Disneyland, qui est encore à Disneyland à l'Oblu Studio et qui s'est arrêté à Tokyo Disneyland juste avant le Covid. C'est ça. Qui utilise une musique de Pinocchio. Ensuite, il y a le spectacle Fantasy Festival à Shanghai Disneyland, Mickey's Magical Music World à Tokyo Disneyland. Après, ça apparaissait dans différents petits spectacles, par exemple le spectacle de Noël pour le 15e. Ensuite, au niveau des restaurants. On a le Pinocchio Village House Restaurant, donc à Magic Kingdom en 71, à Disneyland en 83, qui sera le chalet de la marionnette. Bien sûr, la petite anecdote comme quoi le panneau de sortie n'est pas bien placé à Magic Kingdom et qu'il est bien placé à Disneyland de Paris. Le panneau de sortie de secours était pas centré par rapport à la porte. on voit le personnage tirer une corde, Figaro tirer une corde pour dire regardez. C'est normal que ça soit mal placé et finalement c'est très bien placé à Disneyland de Paris. La fin de ce live va être horrible. On a aussi un petit truc très mignon que je vais vous montrer. C'est le Cléos qui est un snack à Tokyo Disneyland en 1983. Et j'adore la petite affiche. C'est mignon. C'est super mignon. Je trouve ça, mais adorable. On est à la boutique GPT Holiday Workshop à Tokyo Disneyland qui est ouverte de 83 à 2009. Il y a Pleasure Island Candies qui est ouverte en 83 à Tokyo Disneyland. Et puis on a la bodega di Geppetto qui est ouverte en 92, qui est la boutique collée à l'attraction Les Voyages de Pinocchio. Et qui est magnifique. Et on retrouve justement plein d'horloges et de petites choses qui existent vraiment dans le film, dans la boutique. Qui est magnifique, oui. Quand elle est ouverte. On ne va pas citer toutes les parades dans lesquelles ils apparaissent à l'étranger. N'importe quoi. Par contre, ils sont apparus dans toutes les parades en France. Dans l'ordre, la parade Disney 92, la parade du monde merveilleux Disney, la Disney Once Upon a Time Parade, où est-ce qu'ils avaient chacun... Ouais, à ce moment-là, ils avaient toujours un char. La Disney Magic on Parade, mais c'est vrai que la Disney... En fait, la parade du monde merveilleux Disney était une reprise de la parade Disney, donc voilà. Oui. La Disney Once Upon a Time Parade, ils étaient associés au char de Winnie l'ourson, si je ne m'abuse, et qui a été repris dans la Disney Magic on Parade. Ils sont aussi présents en ouverture de la Disney Southern Parade. Ils n'ont pas de char, mais oui. ils sont présents tout devant. Et par contre, la seule parade où ils ne sont pas apparus, la grosse parade de Dior, je parle, c'est la Disney Imagination Parade. Ok. Et au niveau des feux, il y a eu Believe vs Magic in the Star, qui je pense devait être en Californie, Disney Enchantment aussi, Disneyland Forever, qui était le spectacle pour les 50 ans de Disney en Californie, Fantasy in the Sky, qui a été repris, je crois, en France, Illuminate, A Night at Celebration, je ne sais pas c'est où, Magical, Once Upon a Time, Remember Dreams Come True, qui était aux États-Unis, Wishes, qui était repris en France, où c'était Jimmy Cricket qui racontait l'histoire. Ouais. Mais Wishes, c'est utilisé vraiment partout, c'est ça qui est impressionnant. Hein, c'est vraiment devenu l'hymne, l'hymne des rêves Disney. Bah, en fait, surtout, l'hymne, est-ce que ça, on l'a pas dit dans le live, je pense que c'était plus important. L'hymne, surtout, c'est ça. Hein. Dès qu'on veut parler de Disney, on met ça. Hein. C'est quand même la musique d'introduction de tous les dessins, presque tous les dessins de Disney. Bien sûr. C'est ce qui est utilisé aussi pour faire annoncer les bateaux. Et même la compagnie de croisière utilise cette petite note-là pour annoncer l'arrivée des bateaux. Je peux vous le faire, je pense. C'est des années 80, c'est des années 80, 90, et comprendront la référence. Ceux qui nous suivent aussi depuis le début, voilà. Voilà, c'est comme ça, moi, que je peux terminer. Ah si, bon, la vie, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est génial comme musique. Hein. Oui, les musiques sont très très... Mais le fi... Alors, il y a une différence aussi entre le film et la musique, je trouve. J'ai préféré l'enregistrement anglais à l'enregistrement français, qui est de moindre qualité, je trouve. Mais oui, je suis d'accord avec toi, la version française est très très bien faite. La version anglaise est un peu plus pris dans la gueule, je trouve. Ah, moi, c'est le contraire que je dis, justement. La version française en a pris dans la gueule, justement. Au moment, je trouvais pas. Après, la version qu'on entend, c'est souvent la version de 83, je crois. Je sais plus. Je vais vérifier. Je crois que c'est la version de 80... une version de 83, je crois. Et c'est Jim Cummings qui fait la voix de Jiminy Cricket. Ouais. Et c'est Roger Carrel qui le double. Et Roger Carrel, en fait, a très souvent doublé Jim Cummings dans Ah, des c'est Disney. marrant ça. Roger Carrel qui est décédé l'année dernière. Et oui. Et vous, qu'avez-vous pensé des musiques Ben, de Pinocchio, justement? vous qui êtes dans le chat, vous pouvez donner votre avis. Mais On vous a aussi demandé sur Patreon, car oui, vous pouvez donner votre avis maintenant sur Patreon, et c'est l'avis que vous avez sur Patreon qui compte le plus, bien entendu. Alors, sachant que sur Patreon, on a eu les résultats. Vous avez été 6 à voter. C'est quand même. Merci beaucoup pour 6 qui ont voté. Il y en a 5 qui ont voté que c'était vachement cool. C'était un accord parfait. Il y en a un qui a voté que c'était une dissonance. Patreon. Nous arrivons vers la fin du live. Pardon. Vous me disiez, la Disney Music Box est un live du Label et la Bête qui est rejoint Rien qu'y penser et Flan et Secret Disney. N'hésitez pas donc à nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez donner 1 euro, 5 euros, 10 euros. Vous pouvez donner votre avis, vous pouvez avoir du contenu exclusif, plein de choses comme ça. Il y a aussi une boutique qui a été créée sur Utip où vous pouvez avoir un vêtement ou une tasse par exemple, ou pouvoir faire un contenu, un live avec nous. Sachant que vous choisirez le sujet. Notre prochain live sera le 10 mars, Exactement. dans 3 semaines. Non, Nous n'avons pas encore le sujet. Je crois avec Alex, on a discuté. Ce serait pas. On le ferait pas voter. Est-ce qu'on ne le ferait pas voter sur on va le Patreon? faire voter celui-là. Alors, on n'a pas encore le sujet précis. On va en Donc on parler vous... juste après. voilà, on va vous donner des choix et vous allez choisir le sujet de du prochain live. Donc rejoignez-nous, que ce soit sur Patreon, sur Discord. Tous les liens sont directement dans la description ou alors sont marqués directement dans le chat actuellement. On va donner un tout petit aperçu du planning de la Disney Music Box jusqu'à la fin de Bien l'année, parce qu'il y a sûr. moins une date qui est super importante que vous devez noter. Il faudra en parler à beaucoup de vos copains, tout ça. Donc le prochain live, vous le votez sur Patreon. Et le 31 mars, donc dans un mois et demi environ, C'est donc ça. dans deux lives, nous allons faire un quiz sur Alan Menken. Et le 21 avril, nous ferons un petit live 30 ans, les 30 ans de Disneyland Paris. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Et puis voilà. Sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alex? Alors, on peut me retrouver sur secretdisney.com hein, pour vous pouvez retrouver tous les secrets et détails de Disneyland Paris. Vous pouvez aussi retrouver directement, écouter mes musiques en Ils sont cliquant géniales. là-dessus. Vous J'ai aurez fini tous mes l'album. réseaux, tout mon dernier album qui est sorti en janvier dernier. Et toi, Max, où Moi, peut-on te retrouver? on peut me retrouver sur musicland.home.blog, l'article que j'ai fait il y a environ un mois sur Encanto, et puis j'ai plein d'autres idées pour d'autres articles. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, et où est-ce que j'ai fait une dernière vidéo, où est-ce que je fais des vidéos, par exemple, de reprises de musique pour saxophone, et la dernière que j'ai faite était la Fantillusion. Bah écoutez, c'est parfait. Restez bien jusqu'au bout du générique du live, car il Comme y à a chaque fois. une petite surprise juste après. Merci à tous, merci Max. Oh, merci à toi. Et on vous retrouve très bientôt. À la prochaine, salut, salut! La faible secoue son voile et vient accorder ce qu'on a demandé. Quand on prie de tout son cœur, il n'y a pas de faveur soit bientôt réalité. Ah. laissez-vous comprendre. Essayez, faites un vœu, car l'espoir est dans les cieux. La bonne étoile est là.